J'ai marché vers ma ville. Tout était détruit. J'ai marché jusqu'à ce que le jour se lève. Il ne reste plus rien. Sauf ces fondations branlantes. J'ai vu ma mère. J'ai vu mon père. J'ai vu mon frère. J'ai vu ma sœur. J'ai vu les miens. Je les ai vus marcher sur la digue. Je les ai vus marcher dans le champ. Je les ai vus marcher sur la grève. Le matin. Alors, nous avons appris.